Si un jour tu te laisses entraîner par l'ennemi, mon ami, ta chute va réjouir les camps de l'ennemi. C'est pourquoi il ne faut pas faire honte à ton Dieu. Tu as choisi de marcher avec Jésus, persévère, ne retourne plus en arrière. Deuxième vérité, notre ennemi cherche à nous humilier. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu sers le Seigneur, ne retourne plus en arrière, parce que si tu tombes entre les mains de l'ennemi, il va chercher à t'humilier, alors que Dieu t'a déjà élevé. Est-ce que tu comprends cela? Et c'est par les péchés que l'ennemi cherche à nous humilier. Il faut éviter cela. Tu vois, Samson, ce grand homme de Dieu, ce grand juge qui avait l'onction, il a mal fini sa vie. Et maintenant, les Philistins, ses ennemis, ont cherché à l'humilier jusqu'au point où on va les faire sortir de la prison pour les réjouissances, c'est-à-dire pour danser devant eux. Vous voyez jusqu'où l'ennemi peut nous humilier? Il est dit au verset 25, dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qui nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre ses colonnes. Vous voyez comment l'ennemi cherche à nous humilier? Frères et sœurs, faisons attention. Ne cherchons pas à ce que l'ennemi nous humilie, nous ridiculise. C'est pourquoi nous devons nous attacher à Dieu, à ce Dieu que nous servons, à ce Dieu qui nous a racheté, Jésus de Nazareth. Troisième vérité, Dieu n'abandonne pas totalement ses serviteurs. Même lorsque nous sommes dans une situation de détresse, comme ce fut le cas de Samson dans sa désobéissance, il s'est rappelé quand même qu'il a servi un Dieu qui est grand, qui est tout puissant. Vous voyez? Et il a invoqué ce Dieu-là. Et ce Dieu a écouté sa prière. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation, même si tu es tombé dans la désobéissance, oui, on t'a dit que tu es dans tes derniers jours, que le Seigneur t'a rejeté, le Seigneur t'a abandonné. Mais souviens-toi, lorsque tu reviens à ce Dieu, tu te souviens que ce Dieu-là, il est capable d'agir, il est capable d'écouter ta prière. Tu peux encore lui adresser une prière. Tu vois, Samson, c'est vrai, il a reconnu. C'est quelqu'un qui savait qu'il a mal agi. Mais il s'est rappelé de son Dieu. Il ne s'est pas révolté contre ce Dieu-là. Quand tu vis des moments de preuve ou lorsque tu sais que tu as péché, au lieu de te révolter contre Dieu, rapproche-toi de lui. Et Samson a compris cela. Il était à la fin. C'est vrai qu'il a fauté. Mais il s'est rappelé de ce Dieu-là qu'il a délivré. Au verset 28, il est dit, « Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi la force seulement cette fois et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Vous voyez? Il a fait une prière avec précision. Lorsque nous faisons une prière avec précision, Dieu peut nous écouter. Donc, Samson, il a regretté ses yeux parce que les Philistins lui ont crevé les yeux. Et il prie que l'Éternel lui accorde la force. Que l'Éternel se souvienne de lui et qu'il lui donne la force pour qu'il tire vengeance. Et le verset 29 dit, « Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. » Vous voyez, ici Samson a agi comme un kamikaze, vous voyez, comme un terroriste. Il dit que je meure. Il faut faire attention, la prière. Est-ce qu'il était obligé de dire que je meure avec les Philistins? Il pouvait demander aussi à Dieu de me laisser vivre. Faisons attention. Parfois, c'est une prière que nous faisons. Bon, Dieu agit selon ce que nous désirons, vous voyez. Il dit que je meurs avec les Philistins. Donc, pour lui, il se disait, bon, je suis dans la fin de mes jours. Donc, je dois mourir et que les Philistins meurent aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Quelle fin triste pour un grand juge, un grand homme de Dieu comme Samson qui avait une grande onction pour exterminer ses ennemis. Mais à cause de la désobéissance, à cause de ses liens avec Delila, il a mal fini sa vie. Bien-aimés, tirons des grandes leçons. Faisons attention aux alliances que nous tissons parce qu'il y a des Delilah qui peuvent causer notre chute. Il y a des Delilah qui sont infiltrés dans nos églises pour détruire les ministères, pour faire chuter les hommes de Dieu. Faisons donc attention et demandons la grâce de Dieu pour qu'il nous en préserve. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Nous allons le louer en chantant ces cantiques.

nom soit magnifié, toi le Dieu qui nous soutient quand l'ennemi dit plus de salut pour lui auprès de l'Éternel. Tu es celui qui nous garde, ô notre Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Merci, ô notre Seigneur, toi le Dieu qui ne laisse pas l'ennemi se réjouir à notre sujet. Tu es celui qui nous soutient et qui nous venge de nos adversaires. Nous te bénissons pour cela, ô notre Père, notre Seigneur. Le Dieu qui nous donne la force de vaincre nos adversaires, nous t'élevons, Éternel, notre Dieu, notre Seigneur. Nous t'élevons, Éternel, notre Dieu, notre Seigneur. Toi, le Dieu qui nous élève quand l'ennemi cherche à nous humilier. Oh, tu es le Dieu plein d'amour, le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Merci, Seigneur, pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre texte de base dans le cadre de notre émission OSB, c'est Juges 16, 22 à 30. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en consultant notre site web www.radiofréquentevie.com et vous pouvez télécharger l'application Fréquente Vie sur votre téléphone Android ou sur votre tablette. Il suffit d'aller dans Google Play Store et puis vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous faites la recherche et vous allez voir là où c'est écrit installer et vous appuyez, vous attendez quelques minutes et puis ça va être téléchargé. Donc tu peux facilement suivre OSB. Et je tiens à signaler que pour ceux qui suivent sur le net, OSB est rediffusé à 20h temps universel. Que Dieu soit béni. Nous venons de voir que notre chute cause la joie de nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous rappeler des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des frères et sœurs qui vivent des moments difficiles, mais qui pourtant ont servi le Seigneur, qui ont marché avec Dieu, mais qui vivent des moments difficiles. Il y a certains qui ont fait AVC, des gens qui sont peut-être, qui ont chuté, ils se sentent abandonnés. Nous allons nous rappeler d'eux. Nous allons prier pour que le Seigneur le relève. Nous allons prier pour que réellement Dieu se souvienne d'eux, qu'il les fortifie dans les moments d'épreuve, qu'il intervienne de manière surnaturelle. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Éternel Dieu, nous glorifions ton nom. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Toi qui combats pour nous dans nos luttes. Toi qui nous relèves dans nos chutes. Nous disons merci pour ton Fils Jésus-Christ qui a toujours été avec nous. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour les frères et les sœurs, les servantes et les serviteurs de Dieu qui ont œuvré pour toi pendant des années et qui sont probablement aujourd'hui à la retraite et dans des conditions difficiles. Certains ont eu des maladies paralysantes. Certains ont eu des extinctions de voix. Certains vivent des moments difficiles. Nous demandons au Père éternel que tu touches des personnes pour leur apporter véritablement du soutien. Que tu relèves leur tête, ceux qui se sont sacrifiés pour toi, ceux qui ont donné leur vie pour toi et qui sont dans des difficultés aujourd'hui. Nous demandons au Père éternel que tu les restaures, qu'ils reçoivent une guérison miraculeuse dans leur vie, que leur espérance soit vivante dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as appelés au Père éternel pour te servir, pour contribuer à l'avancement de ton œuvre et tu es notre soutien. Tu es notre secours. Tu es notre appui. Tu es celui en qui nous avons mis toute notre confiance. Soutiens ses serviteurs en difficulté. Relève leur tête. Tiens-les par la main, ô Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, ô Père éternel, et nous intercédons spécialement pour eux. Et nous demandons, Père éternel, qu'ils trouvent une place de faveur dans cette société et que tu suscites des personnes pour leur venir en aide. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons aussi de voir que l'ennemi cherche à nous humilier comme il a humilié Samson. Il cherche à nous humilier afin que nous soyons dans la poussière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu nous protège, pour que Dieu nous préserve, afin que toutes les stratégies que l'ennemi met sur pied pour détruire la vie des serviteurs de Dieu, pour humilier les serviteurs de Dieu, pour humilier les chrétiens, soient vouées à l'échec et que Dieu nous préserve de leurs pièges. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Créateur, notre Protecteur, celui-là qui nous défend. À toi la gloire ce matin. Ta parole nous dit dans 1 Pierre que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant. Nous devons lui résister. Ce matin, nous prions que tes serviteurs soient préservés. Les foyers soient préservés, les serviteurs de Dieu soient préservés, ceux qui sont engagés dans ton œuvre, parce qu'il s'est levé, il est venu pour détruire, pour tuer, pour voler, pour égorger. Donne-nous la force, car sans toi nous ne sommes rien. Que ta main soit posée sur tes enfants ce matin. Il vient pour détruire les foyers, il vient, notre Dieu, pour diviser les églises. Nous croyons en toi. Nous voulons nous plonger dans le sang de l'agneau, imbibé du sang de l'agneau, caché dans le sang de l'agneau. Nous t'appelons au secours, que ses œuvres soient détruites ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sous le pouvoir des scorpions, des serpents et de tous les traits enflammés de l'ennemi. Gloire, honneur, puissance à toi, car nous avons foi en toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu n'abandonne pas totalement ses enfants. C'est vrai, Samson a fauté. Mais il s'est rappelé qu'il y a un Dieu capable d'écouter sa prière. Et lorsqu'il a invoqué l'Éternel, l'Éternel lui a redonné la force. Nous allons prier. Il y a peut-être des gens qui sont dans les comas. Il y a des gens pour qui le médecin a dit qu'ils ne peuvent plus vivre. Oh, parce qu'ils sont désespérés. Parce que leur cas est difficile, mais il y a un Dieu qui peut encore invoquer, même dans les moments difficiles, même lorsqu'ils vivent des moments très difficiles. Oh, je veux que nous puissions prier. Il y a des femmes qui connaissent des accouchements difficiles, qui vont accoucher aujourd'hui. Nous allons prier pour que l'Éternel intervienne de manière surnaturelle, qu'ils invoquent l'Éternel. Oh, il y a des gens qui vivent des moments difficiles où on dit ils sont entre la vie et la mort, où les bébés entre la vie et la mort, que l'Éternel puisse les exaucer, que Dieu puisse agir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia, alléluia. Père, je te rends grâce et je te loue parce que tu es le Dieu des cas impossibles. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, les portes s'ouvrent. Car tu es, tu étais et tu viens. Merci parce que nos destinées sont dans ta main. Tu nous délivres de nos ennemis et de nos persécuteurs. Souvent, toutes les maladies que nous avons sont source des démons. C'est pour cela, Père, je me tiens dans le sang de Jésus, me couvrant des armes spirituelles. Et je voudrais menacer tout esprit de mort dans la vie de quelqu'un qui est dans le coma au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais arrêter toute œuvre de l'ennemi qui agit dans la vie de quelqu'un, qui l'amène à la mort aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui est désespérée, Père, par la prière, que la foi soit donnée, que tu fortifies, que tu restaures, que tu réquinques, que tu transformes quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Merci parce que le découragement, la faiblesse et le manque de foi sont brisés dans la vie de quelqu'un et cette personne reçoit la force et croit que Jésus-Christ est capable de faire encore une œuvre extraordinaire, un miracle dans sa vie. L'Éternel, je vais te recommander cette femme qui est dans la salle d'accouchement, cette femme qui est programmée pour accoucher aujourd'hui. Merci parce que la césarienne est ôtée. Père, dis un mot afin que l'accouchement difficile devienne un accouchement favorable, un accouchement à la gloire de ton nom. Merci papa pour toutes les personnes aussi qui sont entre la vie et la mort. Interviens. Car la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Merci pour la vie que tu donnes à toutes les personnes qui sont désespérées, qui sont dans le coma et toutes les femmes qui sont dans la salle d'accouchement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que demain, dimanche 19 juin, nous aurons à partir de 16h bonheur conjugal pour les célibataires, le thème la guérison des blessures intérieures. Nous allons prier le Seigneur de manière spéciale pour que Dieu touche tous ceux qui ont vécu des blessures à partir de leur enfance. L'entrée est libre. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. L'entrée est libre. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.